Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Vivres, Victor Granhé-Meide, chef de la délégation gouvernementale de Guinée équatoriale en visite en Corée, a offert un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Il a transmis le discours à Kim Yong-dae, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême.